Bonjour. Dans ce message-ci, nous parlerons de l'autorité de l'apôtre Pierre. Quelle est l'étendue réelle de l'autorité de cet apôtre? Pierre avait-il réellement l'autorité sur toute l'Église de son temps? Selon la Bible, est-ce que Pierre a réellement été le premier pape? L'école protestante dit que non de tous ses poumons. Mais que dit la Bible? Que disent les anciens documents historiques des débuts du christianisme également? C'est ce que nous allons voir ensemble par la grâce de Dieu. À nos frères protestants qui m'écoutent, je vais vous donner tellement de versets que vous allez pouvoir étouffer un cheval avec. Et à mes amis catholiques, eh bien, vous aurez vous aussi des versets désormais qui vont vous servir d'armes pour vous défendre lorsqu'on vous attaquera sur ce terrain. Dans le livre des Actes des Apôtres, tout de suite après le départ du Christ, Pierre est au premier plan dans l'Église. C'est Pierre qui a désigné Matthias pour être parmi les 12. Ce qu'il a fait à l'occasion de cette élection, on le verra souvent le refaire. Il est celui qui prend les initiatives. En dehors de lui, il n'y a guère que Jean qui paraît l'accompagner. Cette prééminence de Pierre, dont l'importance sera considérable quant à ses conséquences dans l'histoire chrétienne, repose elle aussi sur la déclaration expresse du Maître « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Ces paroles sont les plus prodigieuses qui aient été prononcées sur la tête d'un mortel, mes amis. Acte 15, 7. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. » Sans s'élever et parlant de lui-même avec humilité, Pierre leur rappelle que le Seigneur l'a choisi, lui, par privilège au-dessus des autres apôtres, pour être le chef et le conducteur spirituel de l'Église. Et ceci de la même manière que Dieu avait fait un choix au temps de Moïse et avait fait fleurir la verge d'Aaron par privilège au-dessus des autres chefs de tribu. Vous avez l'histoire en Nombres 17, 8 et verset 10. Lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron avait fleuri. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Vous voyez, c'était la même chose. 12 apôtres, 12 chefs de tribu. La primauté de Pierre n'est pas difficile à prouver. Matthieu 10, 2, 4, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, etc. Le premier, Simon appelé Pierre. Pierre n'est pas le premier qui a rencontré Jésus, mais le quatrième, je crois. Les mots « le premier » signalent donc un rang en autorité. Ce n'est pas sans raison non plus que Judas est toujours cité en dernier lieu dans toutes les énumérations. Il y en a 4 énumérations. En Marc 3, 16, 19, voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, etc. Et Judas Iscariote qui livra Jésus. Le verbe établir signifie poser les bases d'autorité. C'est un mot très important ici. Pierre est nommé le premier. Ici non plus, la liste n'est pas faite en fonction de l'ordre dans lequel les disciples ont été rencontrés par Jésus. Les noms des disciples n'est pas une simple énumération, mais nous montre une chaîne hiérarchique. Luc 6, 13 à 16 maintenant. Il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, etc., et Judas Iscariote qui devint traître. Ce ne fut pas avant une année qu'il leur donna le nom d'apôtre. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, d'une énumération de noms lancés à l'aveuglette comme ça, mais l'établissement plus ou moins définitif d'une échelle hiérarchique parmi eux. Un ordre d'importance. Acte 1-13 maintenant. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, etc. Cette liste est la dernière et la définitive. Pierre y est nommé en premier pour la quatrième fois. Nous avons donc ici 4 listes et elles placent toute Pierre au sommet, en premier. Quand Paul a écrit « Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis et moi l'apôtre des païens », Paul ici reconnaît lui-même que Pierre est l'apôtre. Il ne dit pas les apôtres, il dit Pierre l'apôtre des circoncis, voulant souligner par là qu'il était le chef des autres. Mais quand il dit que Pierre était l'apôtre des circoncis, eh bien la chose n'était pas très exacte. C'est ce que Paul aurait voulu, là, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Au début de son ministère, Paul voulait construire une belle petite clôture blanche là, entre lui et les apôtres. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, mes amis. Je ne sais pas comment Paul a interprété les paroles de Pierre quand il a été le rencontrer, mais Pierre n'a jamais été que l'apôtre des circoncis, loin de là. Paul a un peu pris ses désirs pour la réalité, selon moi. Et Paul n'a jamais été l'apôtre des païens. Tous les autres apôtres sont allés évangéliser dans le monde païen également. Il n'a pas été le seul apôtre des païens, c'est évident, là. Regardez 1 Pierre 1:1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, ce qui couvre à peu près tout le monde antique de l'époque. Pierre envoie une lettre à toutes les églises de Paul, à toutes les églises païennes. Quand Jésus a dit à Pierre « Paix mes brebis », il parlait de toutes les brebis, pas seulement celles de Jérusalem, mais celles du monde entier. Et il n'a pas fait que leur écrire. Hein? Origène au 2e et 3e siècle, dont les dires ont été rapportés par Eusèbe, historien de l'église de cette époque, assurait que Pierre visita le pont, la Bithynie, la Cappadoce et la Macédoine. Ce qui prouve que dans l'Église primitive, on établissait un lien entre l'apôtre et ses pays. Également, on trouve la preuve de son passage à Corinthe dans une allusion faite en 1 Corinthiens 1:12. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollos et moi de Céphas. » Paul parle des partisans de Céphas. Cette parole n'a de sens que si Pierre est allé enseigner là-bas. Il n'y avait pas de bouquins à consulter, ce n'étaient pas des livres qu'ils achetaient sur le net. Le net n'existait pas, la télévision non plus, la radio non plus. Alors, pour qu'il y ait des disciples de Pierre à Corinthe, il a fallu forcément que Pierre ait été enseigné là-bas. L'autorité de Pierre n'était pas seulement nationale, mais universelle. Dans l'Apocalypse, nous voyons Jean écrire à l'église d'Éphèse. C'était encore une église de Paul. L'histoire nous dit que Jean y a fait du ministère et qu'il y a même terminé sa vie. Alors, il n'y a jamais eu de démarcation entre les apôtres et Paul. Les apôtres n'avaient pas un territoire réservé à Israël et tout le reste du territoire réservé à Paul. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas historique. Également au milieu du 2e siècle, l'évêque Denis de Corinthe dira formellement que son église a été fondée par Pierre et Paul. Alors, de clôture là, entre Paul et les apôtres, il n'y en a jamais eu, mes amis. Des communautés chrétiennes se trouvaient fondées dans l'ouest de la Palestine comme dans le nord. Et Pierre part les inspecter. Acte 9, 31-32. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde, puis à Joppé, des territoires païens. Il descend ensuite à Césarée, où il ouvre toute grande la porte du royaume de Dieu aux païens qui croient en Jésus. Il entre en contact avec ses convertis récents, séjourne parmi eux, les fortifie dans leur foi. Pierre sort donc des milieux juifs et fait son ministère pastoral envers des âmes étrangères, accomplissant ainsi la volonté du Seigneur qui lui avait dit « Paix mes brebis ». Il est donc faux de croire que Pierre limitait son ministère aux Juifs. Pierre était le pasteur en chef de toutes les églises. On le voit clairement dans tous ses textes. Le ministère et l'autorité vicaire de Pierre. Quand on dit que le pape est le vicaire du Christ, mais quelle déclaration ahurissante dans le milieu protestant. Est-ce que cela correspond à la vérité? Oui, parce que Pierre était le vicaire du Christ, tout comme les papes l'ont été jusqu'à nos jours. Il n'y a rien de scandalisant là-dedans, je vais vous le prouver. Avant d'être élevé au ciel, Jésus parle à Pierre de son ministère futur. Jean 21, 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Ne dis pas paix tes brebis, paix mes brebis. C'est l'amour qui est le principe de l'autorité enseignante. Une autre traduction a rendu, sois le berger de mes brebis, entre parenthèses, en mon absence. Une autre traduction, sois le pasteur de mes brebis, après mon départ, entre parenthèses. Quand on dit que le pape est le berger de l'Église à la place de Jésus, le protestant nous dit « Mais c'est terrible ce que vous dites là, c'est un blasphème. » Alors que dans leurs églises, il y a un pasteur qui joue le même rôle. Moi, je me rappelle, au début de ma conversion, dans les premières années, je fais partie d'une église pentecôtiste et le pasteur nous enseignait, ainsi que tous les autres pasteurs pentecôtistes d'ailleurs, il nous enseignait, et je me rappelle ses paroles mot pour mot, il a dit « Celui qui m'écoute, écoute le Christ. Celui qui me désobéit, désobéit au Christ. » Il dit, « Je suis le représentant de Christ dans l'Église. » Alors, qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est pas un vicaire du Christ? Mais c'est une chose de le dire et c'est une chose de l'être réellement. Est-ce que Pierre a vraiment usurpé l'autorité du Christ? Non, il l'a reçu de lui, de sa propre bouche. Paix, mes brebis. C'est pourquoi le pape est appelé le vicaire du Fils de Dieu. Le pape ne fait que continuer la mission pastorale de Pierre dans l'Église. C'est ce que Christ ne pouvait pas faire, évidemment, puisqu'il allait partir. Il lui dit, « Paix, mes agneaux. » Lesquels agneaux? Tous les agneaux. Tous ceux qui croiraient en Jésus. Mais est-ce que Jésus voulait dire seulement les agneaux qui viendraient au Seigneur durant la vie de Pierre, et qu'après c'était fini? Il n'y aurait plus d'autorité dans l'Église, plus de berger? C'est ce que l'école protestante prétend. Moi, je ne le crois pas. Une Église terrestre a besoin d'un berger terrestre. Moi, je pense que le ministère de Pierre devait obligatoirement se poursuivre et se déléguer jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus a-t-il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des apôtres? » Non. Est-ce qu'il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin de Pierre? » Non, mais jusqu'à la fin du monde. La conclusion du protestant William Cobden dans son livre « L'histoire de la réforme » est la suivante. Où il faut nier la vérité des Saintes Écritures, où il faut avouer que Jésus-Christ lui-même promet un chef de l'Église à toutes les générations. Fin de citation. Et c'est un théologien protestant de renom qui le dit. Les petites églises protestantes enseignent qu'après la mort des apôtres, toutes les églises ont été abandonnées à elles-mêmes, que l'unité des églises est tombée à l'eau et qu'elles sont toutes devenues indépendantes. Est-ce que ça vous paraît logique, cette histoire-là? En Jean 17, le Christ prie à plusieurs reprises pour que ses disciples soient un. Et non seulement ses disciples immédiats, les apôtres, mais aussi pour tous ceux qui croiront en lui dans le futur. Jean 17, 20-21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. À moi, là, il ne me semble pas que l'unité des Églises était quelque chose qui devait cesser après la mort des apôtres. Évidemment, l'école protestante a choisi de voir les choses comme ça, à leur manière, parce qu'ils doivent justifier le fait que leurs Églises sont toutes chaotiques, divisées et désunies les unes envers les autres. On veut nous faire croire que c'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Les sectes ont l'obligation de nier l'unité de l'Église. On veut nous faire croire que c'est l'unité des Églises qui vient du diable et que ce sont les divisions qui viennent de Dieu. Et tous les chrétiens évangéliques aujourd'hui embarquent dans ça comme des moutons et voguent la galère. Jésus dit à Pierre, « Paix mes brebis. » Pour faire paître des agneaux, il faut d'abord être berger, on s'entend là-dessus. Pierre usurpait-il le ministère de berger du Seigneur? Non. Puisque c'est Jésus lui-même qui lui délègue ce ministère en son absence. En l'absence physique du Christ, Pierre devait donc remplir cette tâche après lui. Christ demeurant a toujours le berger spirituel et Pierre devenant le berger temporel qui le représenterait dans les églises. D'où le nom de vicaire du Fils de Dieu que les papes emploient aujourd'hui. Ce n'est pas le pape qui dit être le vicaire du Fils de Dieu, c'est le Christ qui l'a établi dans ce rôle. Pourquoi accuser le pape d'usurper l'autorité du Christ? Si Pierre n'usurpait pas l'autorité du Christ, le pape ne l'usurpe pas davantage puisqu'il ne fait que jouer le même rôle. La papauté n'est que la prolongation du ministère de Pierre. Les chrétiens évangéliques ont peur du mot « vicaire » parce qu'ils pensent que la papauté enlève de l'autorité au Christ. Je comprends leur inquiétude, mais le catéchisme de l'Église catholique dit que, et je cite, « l'autorité du Christ est intouchable et inaltérable ». Fin de citation. La définition du dictionnaire du mot « vicaire » est la suivante. Un vicaire est un adjoint, un administrateur, quelqu'un à qui l'on a donné l'autorité d'en remplacer un autre. Celui qui est adjoint à un supérieur pour le remplacer en certaines fonctions, qui, en l'absence du supérieur, en fait les fonctions. Et c'est exactement ce que Paul a été lui-même de son vivant. Et oui, Paul a été à sa façon un vicaire du Christ, il le dit lui-même en Colossiens 1, 24. « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » La controverse protestante se crispe autour de la traduction grecque de Matthieu 16, 18, et qui se lit ainsi « Tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon Église. » Eh bien, voici. Premièrement, Jésus n'avait pas parlé en grec, mais en araméen. La traduction grecque fait une différence entre Pétros et Pétra. L'école protestante dit que Pétros est la grande pierre, c'est-à-dire la déclaration que Pierre fait au verset précédent « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », c'est-à-dire Jésus lui-même au fond, et que Pétra représente Pierre, une petite pierre parmi tant d'autres. Or, la langue araméenne ne fait pas cette distinction. Alors, comment comprendre cette traduction? Le mot « Pétra » est simplement le féminin de Pétros. Si la traduction grecque emploie les deux termes, c'est pour que la phrase soit plus concise. Pétros fait référence à Pierre, un homme ou masculin, et Pétra fait référence à la pierre sur laquelle sera bâtie l'Église, au féminin. Mais la phrase est très claire, il s'agit de la même pierre, et cette pierre, c'est Céphas lui-même. En araméen, Céphas signifie « le roc ». Pierre, Céphas, tu es le roc. « Et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Une autre traduction a rendu « Tu es Pierre, le rocher, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Une autre traduction encore a rendu « Ton nom sera dorénavant Pierre, le rocher, et sur ce rocher massif, je bâtirai mon Église. » Ce qui est beaucoup, beaucoup plus près de l'araméen, la langue que Jésus parlait. Pourquoi l'école protestante refuse-t-elle d'accepter simplement ce fait? Pourquoi cherche-t-elle toujours à compliquer les choses alors que le Christ s'est exprimé si clairement? Les évangéliques nous disent « Oh, la Bible ne s'interprète pas, elle s'accepte telle qu'elle est. » Eh bien, ce n'est pas l'impression que vous me donnez ici, mes amis. Je crois au contraire que vous cherchez beaucoup de détours pour ne pas l'accepter telle qu'elle est. Le livre des Actes confirme d'ailleurs que toutes les décisions importantes concernant la direction de l'Église ont été prises par Pierre. Je vous invite à lire Actes 1, 15 à 26, Actes 2, 14, Actes 5, 2 à 5, Actes 10, 9, 48, Actes 15 et 1 Pierre 1, 1. Et pourtant, des tas de croyants protestants ont renié le ministère de Pierre parce qu'il représente la papauté actuelle. Ils disent suivre la Bible, mais ne la suivent pas. Ils ne la suivent que lorsque ça les arrange. En Actes 15, nous voyons que la primauté de Pierre fut un moyen indispensable pour conserver l'unité contre l'erreur. Or, tous les siècles étant sujets aux mêmes erreurs, la suprématie d'un chef doit donc être perpétuelle également. Sinon, le Christ aurait fait preuve vraiment d'inconscience et de légèreté dans la fondation de son Église. Si l'Église du Christ n'a pas de chef terrestre, Eh bien, les sectes terrestres l'auraient complètement découpé en petits morceaux il y a très, très, très longtemps. C'est parce qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs terrestres qu'il faut à l'Église un chef terrestre pour les repousser. Je vous rappelle l'énumération des apôtres en Marc 3, 16. Voici les 12 qu'il établit. Maintenant, Jean 15, 16. Jésus dit: Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Très important ce mot. L'Église que les apôtres allaient fonder n'allait jamais périr ou disparaître, elle allait demeurer. Également, quand le Christ emploie le verbe établir, cela suppose une institution et une autorité. Il n'a pas seulement dit « Je vous ai choisi afin que vous alliez porter du fruit ». Il a aussi dit « Je vous ai établi afin que votre fruit demeure ». Les apôtres ont été choisis et établis, dit le Seigneur. On ne peut pas passer à côté de ce qu'impliquent ces mots. Quand je dis que les protestants lisent la Bible sans la comprendre, ils sont fort scandalisés, mais c'est la vérité. Eh bien, la conclusion de ce petit message est la suivante. Les protestants partent en guerre à chaque fois qu'on leur parle de l'autorité du pape sur l'Église. Ils sont contre l'autorité. Il n'y a que le Christ qui soit l'autorité de son Église, disent-ils. Mais ils ont un pasteur dans chacune de leurs Églises qui joue ce rôle. Allez comprendre quelque chose là-dedans. Et c'est dans bien des cas une autorité tyrannique et arbitraire. Je le sais par expérience, pour avoir passé la majeure partie de ma vie dans ces milieux-là. Dès le tout premier siècle, alors que l'apôtre Jean était encore bien vivant, les chrétiens du monde entier reconnaissaient déjà la primauté de l'évêque de Rome. Je vais faire un message sur ce sujet plus loin dans la série, vous verrez par vous-même. Alors, bibliquement, l'autorité de Pierre est établie sur le roc, là. On ne peut pas passer à côté. Amen.